dans le passé ou contre le tableau du passé puissent nous servir d'éventail de probabilités, comme par exemple ceux qui interprètent Nostradamus aujourd'hui vont dire « Ah, mais il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. » Mais expliquer Nostradamus demain, ah, là c'est plus difficile. Hein. Bon. Les pays nordiques, Norvège, Danemark, Suède. Les pays nordiques sont des pays qui représentent le tunnel contre lequel, remarquez, je dis le tunnel contre lequel la Russie est empêchée de se créer un déploiement. Autrement dit, la fonction des pays du Nord, c'est une fonction d'alarme. Les pays du Nord sont des pays alarmistes et ils jouissent du privilège de la relation syncopathique avec l'Europe, dans ce sens qu'ils sont capables de bénéficier de l'alliance psychologique et politique avec la Russie et avec l'Europe, et dans un même temps, ils représentent l'intérêt européen sur le plan cosmique, parce que la Russie peut difficilement pénétrer dans ce tunnel. Et les Russes essaient de pénétrer dans ce tunnel, et nous avons vu il y a quelques années l'effort des sous-marins russes de rentrer dans les fjords norvégiens, ainsi de suite. Mais ils sont très vifs, ces gens, ils sont très très vifs, ils sont très conscients de la Russie, ils sont très près d'elle, ils sont frontaliers avec elle, et ce sont des peuples qui ont une grande fonction. Ils représentent en Europe un peu ce que la Dew Line mécanique électronique au Canada représente contre la Russie. Voilà. Parlons de la Russie. La Russie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que la Russie représente, vous savez, lorsque nous parlons de la Russie, nous parlons d'un peuple extrêmement grand. Donc, lorsque nous parlons de la Russie, il ne faut pas parler de la Russie en tant que peuple. Si nous parlons de la Russie aujourd'hui, nous parlons de la Russie en tant que système politique. Donc, la Russie représente la position totalement extrême de celle des États-Unis. La Russie représente la nation politisée où le pouvoir oligarchique empêche l'individu de se manifester d'une façon créative sur une base d'individuation. Donc, la Russie, cosmiquement parlant, va complètement à l'encontre des lois de l'évolution future de l'humanité. Donc, quelque part, au cours de la prochaine époque, il y aura un craquement en Russie. La Russie devra être craquée. Il devra y avoir une transformation, une transmutation profonde et pluralistique à l'intérieur de ses frontières et de son monde. Parce qu'elle ne peut pas indéfiniment servir les forces astrales qui ont toujours voulu dominer l'homme. Donc, la Russie est la nation qui est la plus rapprochée de la matrix géopolitique occulte de la planète. Elle a une fonction extrêmement importante, la Russie. Si nous la regardons sur le plan politique aujourd'hui avec le Politburo, effectivement, elle représente la partie, l'antithèse de l'évolution. Par contre, lorsqu'elle aura craqué, elle deviendra une grande nation, parce qu'à ce moment-là, les hommes, les Russes, les peuples adjacents, qui sont mus par une extrême ferveur de développement, amèneront au monde, à la terre entière, de très grandes choses, de très grands bénéfices, mais ceci sera en relation avec une amitié créée d'une façon extrêmement occulte avec les pays de l'Ouest. Mais en attendant, nous vivons aujourd'hui dans le monde la tension de la Russie et des États-Unis, parce que nous sommes à l'ère de l'Apocalypse, c'est-à-dire à l'ère de la Révélation, donc nous sommes à une période où l'homme, l'humanité, karmiquement parlant, doit vivre une très grande insécurité, et l'organisation politique russe est organisée, est faite, elle est structurée idéologiquement, de façon à créer dans le monde cette perpétuelle tension entre les États d'Amérique et elles-mêmes. Ça fait partie du karma des nations, ça fait partie de l'ordre des choses. Il y aura changement au cours de la génération qui vient, et l'humanité sera obligée d'absorber les chocs créés par ces deux grandes puissances en relation avec d'autres puissances que nous verrons se développer au Moyen-Orient. Et nous découvrirons alors que, autrement dit, ceux qui comprendront un peu plus la politique mondiale sur le plan occulte de sa forme, comprendront effectivement que la Russie a un grand rôle à jouer dans l'évolution du monde, un peu comme les États-Unis. Nous avons certaines nous avons certaines tendances à préférer le mouvement américain, le mouvement constitutionnel américain à cause de la liberté tactique qui est donnée à l'individu, et ainsi de suite, comme en Europe. D'ailleurs, nous avons été témoins historiquement de cette tendance en Russie de dominer le mouvement de l'individualisation chez l'homme. Donc, en général, les peuples qui bénéficient d'une certaine assurance économique vont avoir tendance à se lier d'amitié avec les idéologies de la droite que nous retrouvons, ou du centre, que nous retrouvons, les idéologies libérales que nous retrouvons en Europe, aux États-Unis, au Canada. Alors que les peuples qui souffrent, les peuples qui sont encore en voie de qui sont sous-développés, en Afrique, en Amérique du Sud, ainsi de suite, ou en Asie, ces peuples-là n'ont rien à perdre. Ces peuples-là, d'abord, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'information, ils n'ont aucune possibilité de se créer une infrastructure psychologique pour réellement mesurer l'évolution des nations, ou le bien-être des nations, ou le bien-être, ou le bien-fondé d'une politique ou d'une idéologie. Donc, ce sont des peuples qui peuvent être facilement amenés à aller dans une direction plutôt vers la gauche, autrement dit, contre le pouvoir capital, et plus vers le pouvoir du prolétaire, mais ce sont des illusions fondamentales. Et l'illusion, elle est remarquablement démontrée aujourd'hui par le retour de la Chine au sein de l'amphithéâtre capitaliste. La Chine est probablement le seul pays au monde où le marxisme capitaliste, le marxisme communiste, pardon, a réellement bénéficié le peuple chinois, dans ce sens que il y a eu suffisamment de sagesse en Chine pour que le gouvernement ou ceux qui gouvernent ne souffrent pas à en perdre l'équilibre de cette tendance à vouloir dominer le monde. Ce qui a sauvé la Chine, c'est que la Chine ne veut pas dominer le monde, tandis que ce qui transpire de la conscience russe, soviétique, idéologique, c'est qu'il y a derrière le mensonge idéologique une tendance et un vouloir historique à longue échelle d'amener la Terre sous une même fraternité. Et ceci est une illusion parce que les tendances politiques, idéologiques de l'évolution seront fracassées à partir du moment où la régence planétaire aura pris le contrôle de l'évolution de la planète sur le plan de la conscience politique, économique, scientifique, spirituelle, idéologique au cours du 21e siècle. Mais l'évolution est très puissante, les peuples sont absolument enracinés à l'intérieur d'elle, et nous ne pouvons pas blâmer ces hommes, parce que ces hommes, dans le fond, ont de bonnes intentions, mais ils sont voilés, et ce voile sert à déterminer l'évolution karmique de l'humanité d'aujourd'hui, et les hommes doivent subir le karma, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où il est extrêmement important pour les peuples d'avoir une très profonde connaissance de la réalité qui se cache derrière les aspects purement illusoires, karmiques, planétaires, astro, qui invitent l'homme à penser à partir des impressions extérieures au lieu d'inviter l'homme à parler à partir de sa puissance interne, de sa propre lumière, de sa propre intelligence créative reliée à son double, c'est-à-dire à cette dimension ultimement universelle de lui, qui fera demain, au cours de les prochaines évolutions, des hommes identiques à lui-même, parfaitement équilibrés dans leur identité et capables de comprendre de façon synthétique, de façon unifiée, la pluralité des complexes de la conscience planétaire. De ce point de vue-là, qu'est-ce qui se cache en arrière-plan, qu'est-ce qui se trame au Moyen-Orient, par exemple le Liban? Bon, ce qui se trame au Moyen-Orient, c'est ceci, c'est que la religion est en fait utilisée par le pouvoir astral encore chez des peuples sous-développés. Remarquez que vous ne pourrez jamais comprendre la politique si vous ne comprenez pas le pouvoir de l'astral sur les peuples sous-développés. La religion sera utilisée par les forces astrales pour fanatiser ces peuples, c'est-à-dire pour fouetter dans leur conscience un sentiment que, ou dans lequel ils croiront avec une très grande ferveur, avec une très grande volonté, et toujours regardant la position idéologique de la Russie, c'est-à-dire ce maître de l'échec politique. Les Russes sont des maîtres de l'échec politique. Les Russes ont toujours les pièces blanches, les nations occidentales ont toujours les pièces noires, parce que les Russes sont toujours à l'attaque, les nations occidentales toujours à la défense, parce que les nations occidentales ont à défendre un patrimoine, alors que les Russes ont à développer un nouveau domaine. Donc, ils utiliseront les nations arabes, qui sont extrêmement ferventes, extrêmement religieuses, qui éventuellement deviendront extrêmement fanatisées, bien que ces nations soient extrêmement rusées. Mais vous ne pouvez pas être trop rusé contre les Russes parce que les Russes ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir des armuriers, alors que les nations arabes n'ont que le pouvoir de l'or noir. Donc, le pouvoir de l'or noir leur permettra d'acheter de l'armurier, mais l'armurier n'est pas stupide parce qu'il fait partie de la grande puissance, donc lui a aussi intérêt à maintenir un certain équilibre sur le globe. La Russie d'aujourd'hui n'est pas la Russie d'antan, elle n'est pas la Russie stalinienne, elle n'est pas la Russie des années 20. Donc, c'est une Russie qui s'est extrêmement sophistiquée sur le plan de la diplomatie, et ce n'est pas la Russie de Khrushchev, bon, avec le soulier aux Nations Unies, bon. Alors donc, la Russie devient sophistiquée, comme les États-Unis deviennent de moins en moins naïfs, donc il se développe une sophistication au niveau de la politique, et voilà que le jeu de l'Arabie vient donner à la Russie la chance de déséquilibrer le monde occidental en donnant des armes à des peuples qui sont extrêmement fugueux, racés, des peuples qui croient profondément. Et j'ai déjà dit que la croyance, c'est la mort de l'homme, c'est la mort de l'esprit de l'homme, et c'est la victoire de la mort sur la terre. Donc, ces peuples croiront, et la Russie, elle, qui est athée, se servira de ces peuples tant qu'elle le pourra, et ces peuples ouvriront, par les événements, des conditions permettant à la Russie d'entrer en jeu en Europe, ainsi de suite. Alors, c'est un mouvement orchestré, c'est un ballet cosmique absolument extraordinaire, mais aussi dans un même temps épouvantable. Mais il fait partie de l'évolution de l'humanité. Il doit y avoir chez l'homme de la Terre un craquement. L'homme doit en arriver un jour à réaliser que sa conscience intellectuelle, sa raison, que le produit de son évolution cérébrale ou le produit de son évolution progressive ne fait pas partie de l'évolution de l'homme, il fait partie de l'évolution de l'humanité, mais qu'un homme nouveau vient, et qu'un homme nouveau doit donner naissance à une race nouvelle, comme l'ont fait les Atlantes, comme l'ont fait les Lémuriens, et que cette race nouvelle ne sera pas de couleur, elle sera totalement cérébrale, psychique d'un autre ordre, elle sera dotée de pouvoir de la lumière, c'est-à-dire que l'homme pourra, au niveau de sa mentation, réorganiser et réactualiser le contact entre les nations, et aussi redonner à la conscience de la Terre une nouvelle évolution dans des conditions qui seront totalement occultes pour l'homme, pour les pays sous-développés, pour l'homme de la rue, occultes dans ce sens que ces hommes seront trop évolués pour pouvoir être compris, mais ils seront suffisamment évolués pour pouvoir rendre, pour pouvoir donner, pour pouvoir exercer sur la Terre occultement le pouvoir politique au cours des prochaines années, des prochains siècles. Mais toujours à l'insu de la conscience planétaire en évolution et en réorganisation systémique. Le rôle et la fonction d'Israël. Israël, quel peuple? Israël, la position géopolitique d'Israël a été prophétisée par les voyants il y a 2000 ans, 3000 ans, par ses pères. Donc, Israël a finalement retrouvé sa terre, mais elle n'a pas pu conquérir sa terre sans difficulté, parce que l'Israël, ou le peuple juif, est un peuple initiatique. Donc, le peuple juif a toujours eu, pendant des siècles, une mission cachée, voilée à la plupart de ses adeptes, mais une mission qui avait la fonction de maintenir dans le monde une certaine tension entre les nations, mais une tension souterraine, c'est-à-dire le peuple juif, de par sa vibration, était un peuple choisi, c'est-à-dire un peuple qui devait amener dans le monde une semence, mais une semence tellement petite, tellement peu puissante, mais qui avait perdu son pouvoir à partir du moment où elle fut donnée à ce peuple, mais cette semence fut gardée dans l'esprit du peuple, elle fut gardée dans la Kabbale, elle fut gardée dans ses enseignements, cette semence n'a jamais réellement profondément servi au peuple lui-même, mais elle a servi à l'évolution de l'humanité. Donc, la fonction du peuple juif, c'était occultement de servir à l'évolution de l'humanité. Et si nous regardons l'évolution judéo-chrétienne, si nous regardons l'évolution de l'Europe, si nous regardons l'évolution de l'Amérique, l'organisation des infrastructures économiques, l'organisation des infrastructures politiques, nous voyons que le peuple juif a donné à l'humanité extrêmement, autant sur le plan cérébral que sur le plan de son sang avec les nazis. Et il y a encore au niveau des nazis et le peuple juif une très grande relation astrale, cosmique, parce que les nazis et le peuple juif sur le plan cosmique, astral des Atlantes représentaient des rivalités. Les Allemands, les entités allemandes pendant la période atlantéenne servaient les parties nordiques de ce grand continent. Les juifs servaient les parties inférieures du sud sur ce grand continent. Et il y avait toujours une sorte de tension entre ces deux régions du continent Atlante. Et nous avons revu avec Hitler cette résurgence des forces astrales à travers des individus qui, comme toujours, représentent la canalisation des forces sur la Terre tant que les hommes ne seront pas arrivés à un niveau de fusion où ils seront absolument libres de ces forces sur leur conscience individuelle. Donc, le peuple israélien est un peuple qui n'a pas encore fini sa lutte, mais qui a tellement manifesté sa puissance de vie qu'aujourd'hui, l'intention guerrière des peuples islamiques commence à se diriger vers l'Europe et mettre de côté Israël. Pourquoi? Parce que l'Israël a démontré pendant la guerre des six jours, ainsi de suite, elle a démontré sa détermination à demeurer là. Et même aujourd'hui, hier, Arafat disait qu'il était prêt à commencer à regarder ou à mettre d'avant la proposition 242. Donc, il y a énormément de choses sur le plan israélien qui valent la peine d'être regardées, mais toujours avec un œil objectif. L'homme conscient, l'homme qui sait, l'homme qui regarde l'évolution de la Terre à partir d'un œil qui ne fait pas partie de l'intellect, ne peut pas perdre d'objectivité et il ne peut pas se mettre dans le dos les nations, parce que chaque nation dans le monde a une fonction, parce que la Terre est en fait un corps mystique. Et si nous regardons la politique des nations à partir de ce plan, nous nous désengageons naturellement politiquement de l'enchevêtrement relationnel ou international d'une conscience planétaire qui est absolument incapable de résoudre les problèmes de l'humanité, parce que ça fait partie du karma des hommes. Mais d'un autre côté, nous sommes capables de regarder l'évolution de l'homme, de la Terre, des nations, des peuples, avec un regard qui est sûr et qui, effectivement, au cours des années, nous donne la raison de ce savoir qui fait partie non pas de l'homme, mais de sa partie ultimement universelle. L'Afrique centrale et l'Afrique du Sud avec le problème d'apartheid. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est extrêmement important sur l'échiquier mondial des années qui viennent, parce que l'Afrique représente, cosmiquement parlant, remarquez, l'Afrique représente, cosmiquement parlant, ce que je pourrais appeler le capitalisme fasciste. Autrement dit, l'Afrique, elle épouse les doctrines oligarchiques d'une composition politique européenne du XXe siècle, et dans un même temps, elle bénéficie de sa jonction économique avec les pays, avec l'Europe, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, ainsi de suite. Et elle a un problème qui lui est particulier, celui d'avoir donné naissance à une économie politique blanche dans un encadrement de pays absolument sous-développés appartenant à une race opposée en intention ou une race incapable de remplir le rôle socio-politique économique qu'elle s'est donné de remplir après la guerre des Boers. Donc, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, doit être regardée comme représentant l'élément en Afrique qui sera utilisé par les forces africaines du Nord pour se donner l'élan de guerre contre l'Europe. C'est comme si l'Afrique sera utilisée comme le bouc émissaire pour donner raison aux peuples qui ont une ardeur ou une fureur révolutionnaire, que cette fureur révolutionnaire soit d'ordre simplement politique ou qu'elle soit d'ordre spirituel comme elle le sera sur le plan de l'islam. L'Afrique sera utilisée pour commencer à fouetter cette ardeur. Donc l'Afrique fait partie de la symbiose moderne, elle fait partie du mouvement qui vient, et ses chefs sont absolument incapables d'empêcher ce mouvement parce que tous les hommes de la Terre qui font partie de l'involution sont liés au monde de la mort, et le contrat avec lequel nous sommes liés au monde de la mort, alors que nous faisons partie de l'involution, est un contrat que nous devons amener à terme, parce que pour briser la mort sur la vie, pour briser le pouvoir de l'astral sur la conscience de l'homme, il faut avoir une conscience de sa propre lumière, il faut avoir une conscience de sa propre réalité, et ceci ne fait que commencer à la fin du XXe siècle. L'Inde, la troisième génération de la famille Gandhi, s'est démêlée avec le Sri Lanka. L'Inde est une nation qui est vouée à la déchéance, parce que, en tant que nation, elle est complètement astralisée par une spiritualité désuète, c'est-à-dire une spiritualité qui ne sert pas le pouvoir politique, au contraire, elle dessert le pouvoir politique, mais une spiritualité qui est tellement profondément enracinée dans le psychisme de ce peuple, de cette nation, qu'il est absolument impossible pour le peuple hindou de se détacher de cette forme spirituelle grotesque qui fait partie de son ancienneté tribale. Et c'est à cause de la spiritualité en Inde, je ne parle pas de la fine spiritualité hindoue, Aurobindo, le haut bouddhiste, ainsi de suite. Je parle de cette sorte de spiritualité décadente. Cette spiritualité décadente, elle est responsable pour l'amortissement de la vigueur hindoue, elle est responsable pour l'incapacité hindoue, et elle est responsable aussi pour maintenir constamment le peuple hindou dans une relation fiévreuse entre le plan matériel et le plan astral. Tellement que le peuple hindou, surtout le bas peuple, est un peuple qui pourra facilement dire à un occidental, écoutez, la situation dans laquelle nous sommes, fait partie de notre karma, nous devons épouser cette situation, ça fait partie des lois de cycle, et ainsi de suite. Donc, le peuple hindou n'a aucune volonté. Et c'est l'absence de volonté qui a fait de ce peuple ce qu'il est aujourd'hui, mais d'un autre côté, le peuple hindou a représenté pendant des siècles, pour des raisons de développement exponentiel du cérébral occidental, il a représenté une porte, un espoir quelconque à l'homme occidental qui s'était un peu trop bourré le crâne avec des données matérialistes et cartésiennes. Donc, les hommes occidentaux ont regardé vers l'Inde pour essayer de trouver un peu le parfum de la vie et l'espoir d'une autre dimension de la réalité. Et il y a eu des maîtres hindous qui sont venus vers l'Europe, vers les Amériques, certains qui ont été honnêtes, d'autres qui ne l'ont pas été. Donc, tout ceci fait partie de l'astralité hindoue et il est impossible aujourd'hui au gouvernement hindou de faire quoi que ce soit pour changer la situation d'une façon fondamentale. Ce qu'il y aura au cours du 21e siècle, au cours des générations qui viennent, je ne peux pas le dire, mais il y aura suffisamment de tremblements dans la conscience de la Terre pour éliminer de la surface de la Terre un trop grand nombre d'hommes, d'êtres, une trop grande population qui empêche et qui alourdisse la conscience planétaire. Je ne peux pas aller plus loin que ça. L'Amérique latine avec l'Argentine, le Brésil, le Mexique. L'Amérique latine est encore aux prises avec l'impotence, l'incapacité de prendre des décisions que lui a légué l'Espagne, le Portugal. Ce sont des territoires qui restent à développer. Ce sont des territoires qui deviendront puissants économiquement au 21e siècle. Ils n'ont pas encore commencé à exploiter leur créativité. Ils ont énormément de génie, ils ont énormément de richesses, ils sont suffisamment loin de l'Europe pour ne pas souffrir des conflits qui sévèreront en Europe. Mais ce sont des peuples qui, au cours du 21e, 22e siècle, représenteront le pouvoir économique, représenteront la grande manufacture, représenteront le grand élan nouveau d'une économie nouvelle, ainsi de suite. Mais ce qui les empêche présentement de s'accorder, c'est que chaque nation de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale représente un peu comme le fils bâtard de l'Espagne. Et on sait qu'en général, entre bâtards, on ne s'entend pas, parce qu'entre bâtards, on ne peut pas avoir accès à une sorte de légitimité. Donc, les pays d'Amérique du Sud n'ont pas vraiment de légitimité. Lorsque je parle de légitimité, je veux dire qu'ils n'ont pas la puissance caractérielle de nation. Ils sont simplement des peuples, ils ne sont pas des nations. Et là où un peuple devient une nation, c'est là où un peuple est capable de s'affranchir du mouvement périodique ou de l'instabilité de ses constitutions. Un peuple qui devient nation est un peuple qui se donne une constitution et qui est capable de garder cette constitution contre tous les vents, contre toutes les tempêtes, à partir du moment où cette constitution a été écrite ou donnée au peuple par des pères qui représentaient réellement l'élément sublime de l'esprit de ces nations, l'élément sublime de l'esprit des peuples que cette constitution, au cours des âges, devrait servir, un peu par exemple comme la constitution américaine qui a permis d'intégrer le peuple noir, qui a permis de changer énormément de facettes, mais qui, à cause de l'évolution aussi et des lois de l'évolution, ont fait de l'Amérique un peuple où la liberté est devenue son ennemi. La trop grande liberté. Les pays dits non alignés comme Cuba, Nicaragua, la Libye, etc., ce groupe. Les pays non alignés seront les pays qui s'aligneront avec la gauche. La raison pour laquelle les pays non alignés aujourd'hui demeurent non alignés, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre le privilège de l'importation, soit de capital ou d'aide venant des deux puissances. Donc, les pays non alignés sont des pays qui représentent un milieu, mais un milieu qui jouit d'un pouvoir préférentiel, d'un milieu qui peut jeter son poids dans cette direction ou dans cette direction selon les vents économiques ou politiques. Donc, les pays non alignés ont une grande fonction parce que, effectivement, ce sont ces pays qui éventuellement feront aller la balance dans une direction ou dans une autre selon la situation, selon l'atmosphère qui se développera entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis ont une très grande responsabilité face au monde, c'est-à-dire que les Américains doivent commencer à comprendre que les peuples ne pensent pas tous comme eux. Ce n'est pas parce qu'en tant qu'Américains, ils ont une grande constitution que les peuples pensent comme eux. Et ceci fait partie de la naïveté de l'Amérique, et c'est dommage parce que nationnellement, spirituellement, l'Amérique représente le plus grand peuple de la Terre, et d'un autre côté, à cause de sa naïveté, c'est un peuple qui a tendance à se faire montrer du doigt. Et il se fera montrer du doigt tant que ses chefs ou ses délégations ou ceux qui le représentent n'auront pas suffisamment d'humilité nationale pour regarder au-delà de leurs frontières et de réaliser que les peuples de la Terre représentent différentes personnalités et que la Terre est une famille et que dans une famille, il ne peut pas y avoir indéfiniment de chefs. Il faut que tous les êtres grandissent pour former inévitablement une collectivité politique, économique, qui est capable de faire la gestion de ce que la Terre peut donner à l'homme pour permettre que les nations, au lieu de se séparer en territoire, en région, deviennent réellement des confraternités. Il nous reste 2 minutes pour voir peut-être, pour survoler le Japon et l'Australie. J'ai beaucoup de choses à dire sur le Japon, donc les 2 minutes ne seront pas assez. Est-ce que vous aimez cette musique? Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas? Parce que je l'ai choisi pour vous. Vous n'aimez pas cette musique? Vous aimez? S'il y en a plus qui l'aiment, on va être démocratique. S'il y en a plus qui l'aiment pas, on changera. L'Australie. Il y a beaucoup à dire sur l'Australie. Donc je vais finir dans quelques minutes. L'homme demain comprendra la politique à partir du moment où il se séparera de son intellect, c'est-à-dire qu'il se séparera de sa mémoire et qu'il commencera à percevoir le mouvement des nations en fonction de ce qu'il sait et non pas en fonction de ce qui lui est dicté de l'extérieur. L'homme ne peut pas comprendre la politique s'il s'allie idéologiquement, soit la Russie ou soit aux États-Unis. L'homme doit être libre de l'idéologie, parce que l'idéologie fait partie du pouvoir de l'astral contre le mental de l'homme. Donc l'homme ne peut pas comprendre la politique s'il est allié idéologiquement à une nation ou une autre. S'il se sépare, s'il s'élève au-delà de l'idéologie, ensuite il peut regarder objectivement les États-Unis, la Russie, les peuples du Moyen-Orient, les peuples d'Asie, et comprendre leur interrelation et voir, parce que la politique, dans les 15 prochaines années, elle fera partie de la vie des hommes. Autrement dit, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu dire, ah, mais la politique, moi, ça ne m'intéresse pas, la politique, c'est ça, la politique, c'est ceci ou c'est cela.